Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Tiountis dédié à l'Euro 2016, c'est la deuxième journée. À mes côtés, il y a Potaval, salut Pota. Salut. On a Rorschach, salut Rorschach. Salut. On a Oshi, salut Oshi. Salut. Et on a Satya, salut Satya. Salut. Alors, oh, c'était timide ce salut. J'ai pas très envie. Alors, on va démarrer tout de suite par le groupe A et le premier match qui était Roumanie-Suisse qui s'est terminé par un 1 partout. Le match a été noté par la communauté 5,63, la Roumanie 5,07 et la Suisse 6 sur 10. Alors, qui l'a vu et qu'en avez-vous pensé? C'était un match d'Euro. Le niveau était globalement faiblard. Après, moi, j'ai bien aimé déjà l'énergie des Roumains, globalement, qui aurait pu, enfin, voilà, le but qu'ils prennent vient sur un coup de pied arrêté, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est Memedi sur un mauvais dégagement de la défense. Voilà, ils auraient pu tenir. Moi, je voyais bien la Roumanie faire un coup. Du coup, la Suisse a assuré sa qualification. Donc on va dire qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. C'est suffisant et ça devrait donner un beau match pour ce soir. Les Suisses ont pas mal insisté en deuxième mi-temps de mémoire, mais je trouvais ça relativement faible quand même comme match. Soit des deux côtés. J'aurais pu donner un peu les stats. Alors, c'est Stankou qui a marqué sur penalty à 18e et Memedi a répondu pour la Suisse à la 57e. Et au niveau des stats, il y a 14 tirs, 19 pour la Suisse, et tir cadré, c'est 6-4 pour la Suisse aussi. Donc plutôt équilibré, la possession, enfin le jeu avait l'air... La possession était quand même grandement suisse, visiblement. Ouais. 61, ouais. Bah, c'est pas étonnant en même temps. Quand je vois même les passes, 450 passes pour la Suisse et 170 pour la Roumanie, c'est quand même... Ouais, après ça c'est le jeu des Roumains, enfin de balance. Ouais, c'est vachement de compte, c'est de balancer devant et puis jouer à fond les cons, donc c'est pas forcément étonnant. Oui, c'est sûr. Tu regardes bien, il y a beaucoup de matchs où ça a fait ça au niveau des passes. Oui, clairement. Ouais. Ouais. Et on va passer au second match qui va être plus bavard, je pense, avec la France. Je me serais tenu, j'ai pas fait de blague sur les Roumains, donc c'est bon. Je progresse. J'ai pensé aussi. Disons qu'on Roumanie Suisse. Non, pas sur l'astracisme au cul, donc c'est bon. Roumanie Suisse, il est tombé pendant qu'on faisait le podcast aussi, donc difficile de regarder. Oui. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc voilà, c'était pas un match inoubliable, visiblement. Alors on va du coup passer à la France contre l'Albanie. 2-0, victoire obtenue en fin de match avec deux buts, Griezmann 90e et Payet à la 96e minute. Le match a une note de 5,07, la France 5,31 et l'Albanie 4,86. Qui veut débuter? C'est dommage que la France ait pas plus cadrée, parce que finalement ils ont quand même surdominé le match, même si l'Albanie a eu un petit peu le petit coup pour essayer de faire peur. Le 4-2-3-1 n'a pas vraiment marché, c'est dommage, parce que c'était quand même intéressant. Martial a été assez invisible notamment. Mais bon voilà, l'entrée de Pogba pour le 4-3-3 en deuxième mi-temps a quand même été bien efficace au final. Je pensais pas, parce que je pensais que c'était vraiment très très regroupé derrière les Albanais. Je pensais que ça allait être compliqué en 4-3-3, que ça allait perdre des espaces. En fait, au final, ça allait aspirer un peu vers l'avant. Ça a permis de décanter vraiment sur la fin. Et Pogba fait une entrée sympa, j'ai trouvé. Il n'est pas encore au top, mais c'est un peu mieux trouvé, il s'est un peu plus donné, il a été un peu plus efficace. Et heureusement déjà que ça se décoince à la fin, parce que je pensais vraiment partir sur un match nul tellement ça voulait pas rentrer, parce que bon, 22 tirs de cadré, c'est quand même chaud. Mais bon, ils ont quand même été ultra solides, j'ai trouvé la défense un peu plus à l'aise que sur le premier match, notamment Evra qui a été meilleur. Alors c'est dur de faire moins bien que son premier match, mais il a quand même été meilleur. Puis au final, voilà, N'Golo Kanté et Payet ont quand même été au-dessus, et voilà, ça finit par 2-0, c'est bien. C'est quand même mérité, même si vraiment ça se boucle vraiment à la fin, quoi. Je dirais que c'est mérité, mais que c'est inquiétant vu l'opposition. Mais c'est dur à jouer quand les mecs ils jouent 11 derrière comme des bourrins, et puis que c'est pas facile, je pense. Avec des équipes un peu plus élevées qui voudront faire un peu plus de jeu, peut-être qu'il y aura un peu plus d'espace, et que les France pourraient peut-être jouer de façon plus fluide. C'est pour ça que je le vois. Ouais, globalement, c'était un peu le même match que contre la Roumanie, hein. J'ai trouvé avec des Albanais qui partaient vachement en contre, qui les jouaient très bien d'ailleurs, qui nous ont mis en danger, ils touchent le poteau en premier, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Finalement, on s'en sort pas mal. Il y a quand même eu, bon, il y a eu de gros ratés, le 4-2-3 n'a pas du tout fonctionné. Martial a été invisible, même Coman, on sent qu'il a une capacité à faire la différence énorme. Mais il arrive pas forcément à s'en servir à bon escient tout le temps. Est-ce que c'est parce qu'il a été mal accompagné par moment? Moi, le cas Coman me pose question, parce qu'il pourrait être titulaire. Enfin, c'est sûrement celui qui casse les lignes le mieux qu'on puisse avoir en France et peut-être même globalement dans l'Euro. Après, il est temps encore quand même. Il est encore temps. Il manque quand même beaucoup d'expérience. Hein. Et puis ouais. Je suis mitigé là-dessus parce que je pense que Coman comme Martial, c'est des mecs qui peuvent vraiment apporter en tant que joker, mais qui vont avoir du mal à être là pour débuter. On l'a vu avec Martial qui a été quand même transparent pendant une bonne partie du match. Ouais, Martial plutôt, ouais. Coman, je sais pas. J'ai un peu de doute sur son repli défensif parce qu'à un moment c'est venu pas mal quand même de son côté. Alors Kanté a été énorme pour compenser, je sais pas si on a essayé de faire quelque chose avec ce 4-2-3-1 et si on a deux formules là-dessus, pourquoi pas. Mais maintenant, je pense qu'on sera jamais aussi efficace que quand on aura pas faire le jeu, quoi. Quand nous on procédera en contre, ça pourrait être dangereux. Maintenant, oui, c'est vrai. Au niveau des tirs cadrés, est-ce que ça vous inquiète le fait qu'on ait vraiment pas mis une au fond jusqu'à la fin? Giroud a pas été ultra efficace sur ce match-là. Faut vraiment son jeu de tête est quand même pas extraordinaire. C'est dommage parce qu'à la base c'est quand même un de ses points forts. Et on le voit, ça l'a agacé en plus. Il a quand même eu deux bons centres sur sa tête qu'il a mis à côté, dont une vraiment proche. Non, c'est pas inquiétant parce que ça va bien finir par aller mieux. Mais ils ont quand même été bien muselés. Les frappes de loin étaient vite contrées. Et je sais pas, des fois beaucoup de centres aussi dans le vide, c'est dommage. Ouais, faut voir voir ce qu'on considère comme être un tir parfois, quoi. On rentre des stats là-dedans, t'as des frappes toutes molles qui vont loin. Est-ce qu'on doit vraiment considérer ça comme une occasion? C'est une frappe après. Hein. Et inquiétant par le ratio, parce que je pense qu'on n'aura pas 22 occasions, 22 tirs par match, quoi. Et à un moment, il va falloir, surtout la fragilité défensive qu'on a, parce que j'ai encore du mal avec les 4 de derrière un peu. À un moment, il va falloir qu'on soit un peu plus efficace parce que si on doit gagner l'euro en marquant plus de buts qu'on en encaisse, c'est pas en cadrant deux frappes par match. Ouais, moi après, je vais renverser le problème. Au contraire, je trouve que l'efficacité est bonne finalement. Enfin, voilà, on touche le poteau une fois, c'est pas compté comme un tir cadré, mais ça c'est tout comme. Enfin, c'est beaucoup plus dangereux en tout cas que souvent d'autres tirs qui sont cadrés, mais c'est des frappes de 25 mètres qui finalement sont pas très dangereuses. On touche le poteau, on en plante deux sur deux, bon bah voilà, c'est efficace, c'est plutôt de bonne augure là-dessus. Après qu'on n'arrive pas à cadrer quand tu joues face à, voilà, c'est vrai que t'as 6 ou 7 mecs qui sont dans les 30 derniers mètres, c'est dur de trouver des espaces, c'est donc pas 6 ou 7, hein, de loin. C'était quasiment 11, hein, ils jouaient vraiment derrière. 10, hein, l'attaquant était dans le rond central et les autres ils étaient derrière. Hein. Ouais, c'est pour ça. Je pense qu'il y a pas mal. Après, j'ai pas le graphique des frappes ou machin, mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont parties, voilà, de 25-30 mètres, qui sont envolées. Bon, bah, c'est des frappes qu'il faut tenter. C'est pas inquiétant que ça fasse. C'est des stats. On peut leur faire dire tout et n'importe quoi aux stats. Moi, c'est pas vraiment ça qui m'inquiète. Et au contraire, j'ai trouvé Giroud très bon. Alors, dans l'envie. Oui, il était présent, c'est sûr, il était présent, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Ça a été le plus présent, quoi. C'est vrai que Griezmann sauve son entrée en marquant. Griezmann, moi je l'ai pas vu jusqu'à sa tête. Avant il serait pas rentré, ça aurait été exactement pareil. Clairement, enfin là c'est de nouveau le Messi, le joueur qu'on attend. Moi Griezmann, je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé fantomatique. Il a pas beaucoup pesé. Après, s'il a la capacité de moins peser, de toute façon, il y a quand même pas mal de joueurs de ballon et de créateurs, et de toute façon, il demande pas de créer, mais s'il est là pour planter à la fin, parce qu'il arrive à passer entre les lignes, c'est tant mieux. S'il faut qu'il ait ce rôle-là, il l'aura, il y a pas de problème. Et après, là, du coup, il était plus dans un rôle de joker, et finalement, on se rend compte qu'en équipe de France, ce rôle de joker lui va presque mieux que le rôle d'attaquant star qui doit mener l'équipe. Bah, sur un match comme ça qui est compliqué à jouer parce que ça joue défensif derrière, en tout cas oui, parce qu'il s'est quand même cramé à la fin les Albanais. Ouais, ils étaient morts, effectivement. Et au niveau du schéma, le 4-2-3-1, vous le voyez revenir dans la compétition ou c'était un one shot raté? Je pense qu'il faudrait réessayer face à des équipes qui jouent un peu plus à la rigueur. Ce soir, ça serait bien. Mais ouais, la compo, j'ai pas vu s'il va faire vraiment tourner ou pas des chances ce soir. Apparemment, ça serait un 4-3-3. Digne serait annoncé à la place d'Evra, ouais. Ce qui n'est pas plus mal. Il faut faire souffler les vues un peu aussi. Il y a Gignac en pointe, et il y a Cabaye qui prendra la place d'N'Golo Kanté, mais ça c'est parce que donc il est sous le coup d'une suspension vu qu'il a pris un carton jaune, vu qu'après c'est remis à zéro, je crois, à partir des quarts de finale. Ouais, donc, c'est ça. Voilà, c'est pas prendre de risques. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y a un autre changement, mais si Sissoko qui rentrerait au milieu de terrain, peut-être bien à la place de Pogba, si je dis pas de conneries, ou de Matuidi, Pogba était sur le... On a perdu quelqu'un. Pogba était sur le banc, donc je pense qu'il voulait dire que Pogba va être titulaire. Ah, d'accord. Ça a l'air d'être revenu, c'est bon. Et non, c'est reparti. C'est juste que je parle pas. Ah, d'accord. Parce que tu commences des phrases, faut les finir. Oui, oui, non, mais qu'est-ce que je disais? Non, mais par contre, je trouve que, enfin, j'ai du mal avec Matuidi un peu sur le qui au milieu me semble le plus transparent des trois. Pour ce qui est du schéma, je pense que ce 4-2-3-1, il reviendra si jamais on est mené à un moment de la compétition. C'est possible. Mais je pense que Deschamps, à un moment, il va s'asseoir sur tout ce qui a été toujours sa philosophie, si on bétonne un peu derrière, puis on procède en compte, quoi. Pour Matuidi, j'ai trouvé quand même plus à l'aise quand l'équipe est revenue en 4-3-3. Ouais, je pense que c'est les repères, en fait, qui étaient pas là, et puis ça revient, quoi, dans le système qu'ils ont bien travaillé jusque-là. Finalement, c'est un peu le même match que contre la Roumanie. Enfin, c'est le même bilan global. Hein. En tout cas, moi, j'ai fait le premier podcast et c'est vrai que c'est ce qui revient, c'est ce qui revenait à la fin du match contre la Roumanie. C'est ce qui revient là. On n'a pas été très bon. Les mêmes joueurs n'ont pas été forcément au niveau. Alors, certains ont été un peu au-dessus, d'autres un peu en dessous par rapport au match contre la Roumanie. Mais globalement, c'est les mêmes stats, les mêmes choses qui se sont passées et on s'en sort. Voilà, avec encore une fois un but tardif. Va pas falloir que ça dure trop longtemps non plus. Après, on est qualifié. Ce soir, il y a un match pour faire le spectacle. Je pense que c'est ce soir qu'on va pouvoir se rendre compte aussi quand l'équipe, si l'équipe est capable de jouer ou non, et si on doit s'inquiéter ou non. Je trouve ça quand même presque dommage de jouer la Suisse en dernier parce que c'est la seule équipe des trois qu'on affronte qui peut proposer un minimum de jeu. Et je me demande vraiment ce que ça va donner l'équipe de France quand on va affronter une équipe à partir des huitièmes, des quarts, qui va jouer, qui va essayer de construire, ouais, et qui va pas rester à 10 derrière. Oui, on verra vraiment pas 11 types en fait ce soir contre une équipe qui joue. C'est vrai que du coup, ça, on aura encore toujours du mal à jauger vraiment le vrai niveau de l'équipe, quoi. Ouais, mais après ça risque de rentrer en cours de match. Pogba par exemple, je trouve que donc Pogba serait sur le banc, donc il pourrait rentrer en cours de match comme la dernière fois. Moi je trouve ça pas mal qu'on les ait en dernier. Ça nous évite de nous mettre en difficulté. On a 6 points, on est qualifié. En plus, on risque de voir du jeu parce que les Suisses n'ont finalement rien à perdre. Eux, leur but c'est de gagner. C'est d'être premier, bien sûr. Pour finir premier. Donc eux risquent d'attaquer. Ça sera là à nous de mettre en place notre jeu de contre, quoi. Et pour le premier match, on parlait de la tension, la nervosité, la peur de se rater contre la Roumanie. Est-ce que c'est un peu la même excuse contre l'Albanie ou c'est plus inquiétant, enfin, c'est plus un problème de jeu, en fait, que de psychologie, on va dire? Je pense que c'est parce qu'on n'est pas à l'aise pour faire le jeu, tout simplement. Enfin... D'accord. Donc pour vous, le test sera vraiment les huitièmes, les quarts? Oui, clairement. Il y a ça, et puis le fait que, enfin, c'est la première, quoi, c'est les premiers matchs officiels depuis deux ans. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Je pense que on sous-estime vraiment le fait que ça doit jouer, ce truc-là, dans la tête, je pense. Hein. Enfin, dans la tête et même dans beaucoup de choses, parce qu'il y a plus d'intensité que dans tous les matchs amicaux qu'on a vus. Hein. Oui. Oui, c'est sûr. Après, paradoxalement, moi, je comprends pas qu'on soit pas une équipe, pour faire le jeu. On a des joueurs qui, normalement, font le jeu dans leur club respectif, qui sont quand même, enfin, on a un milieu de terrain qui joue globalement. Leicester a joué globalement. N'Golo Kanté était là-bas. On a Pogba qui est un métronome à la Juventus. Enfin, on a des joueurs qui normalement sont là pour faire le jeu. Alors oui, mais à part Payet, franchement, qui lui mène vraiment le jeu à West Ham, la plupart des autres sont effectivement des joueurs qui participent à des équipes qui sont créatives sur le terrain, mais il n'y en a aucun qui est un vrai leader. Il n'y a aucun qui est leader sur lequel l'équipe. Pogba, il est pas tout seul à la Juve. Il joue plus devant, surtout à la Juve. Il est vraiment un poste plus avancé que là en équipe de France. Oui, c'est différent. En 10, ouais. Ah, mais justement, il devrait toucher plus de ballons. Enfin, dans le rôle là qu'il a en équipe de France, il touche plus de ballons qu'à la Juventus. Il a moins à être décisif. Il a plus le ballon entre les pieds. Il fait plus des phases de transition. Des passes de transition que vraiment être décisif à chaque fois, et c'est là où je comprends pas qu'on voit pas sa qualité technique ressortir, qu'au contraire ça l'inhibe, quoi. Il va fatiguer aussi, hein, Pogba a quand même une grosse saison dans les pattes. Ils ont quand même tous fait une grosse saison, hein, ouais. Pour la plupart. Hein. Je crois que Griezmann est le joueur qui a fait le plus de matchs de tous les gens qui sont à l'Euro. Pogba, il en est à 60 matchs là, quasiment, donc de la saison, donc ouais, je pense qu'il est... on a des mecs qui peuvent être rincés, hein. Bon, après d'où le fait de les avoir fait tourner sur le dernier match, qui est pas forcément con. Avec toutes les polémiques qui commencent à sortir. Ouais, ça. C'est... Et ouais, Griezmann, justement, en plus, l'Atlético, c'est une équipe où on demande un gros pressing, beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'il doit en avoir un peu plein les pattes. Donc, ouais, il sort d'un truc psychologique qui est pas facile quand même. Hein. Son péno loupé en finale. ils ont dû miser tout, enfin ils ont dû se monter la tête pendant des semaines pour se dire la finale elle est pour nous cette année. Simeone il est vachement exigeant. Tu ressors de là avec une grosse frustration, faut que tu enchaînes de suite sur l'Euro, c'est quoi ça, mentalement ça va être compliqué quand même. Oui. C'est vrai. Vous voulez dire un petit mot sur les polémiques ou on attaque sur les petits pronostics pour la suite? Oh, un petit polémique, qu'est-ce que... C'est bien, voilà, Pogba, donc... continue à faire des gros fucks dans les tribunes. Ouais, ça avait commencé avec donc la une contre Griezmann, l'inquiétude Griezmann de l'équipe, c'était deux jours avant le match, je crois, ou ouais, la veille. Et donc le lendemain, ou le surlendemain, la une sur Pogba, qui... Non, je sais plus le titre exact. Faire une sur Pogba, enfin... sur un truc, enfin potentiel où on n'en sait rien, et pour moi je pense que non, je veux dire c'est quand même ça montre la faiblesse et le à quel point c'est du gratte-papier quoi, c'est vraiment ouais mais c'est inintéressant au possible, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après je sais plus qui disait sur le forum que en France on est voilà, on a quelques médias qui le font, quelques médias apparemment spécialisés sport qui sont en fait spécialisés dans le people, qui font ça, mais c'est quand même moins poussé que dans beaucoup de pays. C'est vrai que voilà, nous on n'est pas habitués. C'est peut-être toi qui le disais, ça t'y va. C'était moi parce que j'ai vu des unes en partout, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, même des tabloïds anglais qui ont rien à voir avec le football. Dès qu'il y a un truc qui tombe pas rond, il y a une polémique à faire, ils sont taqués les mecs. Hein. Ouais, c'est bien pire qu'en France, donc voilà, c'est inintéressant. C'est même dommage d'en parler parce que voilà, ça leur donne du crédit, c'est ce qu'ils veulent finalement faire parler et vendre. Et puis voilà, on en aura forcément une ce soir. Hein. Il suffit d'une défaite ce soir, ou d'un match nul ou de n'importe quoi. Enfin, on va avoir une autre. N'Golo Kanté, suffit que là ce soir il fasse une connerie, il prenne un jaune par exemple. Ça va être la catastrophe, il sait pas se contrôler, est-ce que vraiment il est prêt pour une compétition aussi importante, enfin bref. Moi je suis déjà un peu surpris qu'on n'ait pas commencé à comparer Payet à Zidane, mais bon. Il est trop faux. Il est trop foncé, ça marche pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est dans la ligne éditoriale de l'équipe, ils font des titres putassiers pour vendre du papier. Ouais. Après moi ce qui me gêne c'est que c'est... Le bras d'honneur, s'il y en a un, c'est vers les journalistes, et du coup, le public s'en fout un peu, quoi. Ça les concerne eux, ça concerne exactement, pas tout le monde. Ça dit rien sur le groupe, en fait. Tu vois, comme j'avais dit sur Anelka, encore, ça traduisait le fait que Domenech n'avait plus aucune autorité. Mais là, ça dit rien sur le groupe. C'est juste un joueur qui a été critiqué, il fait un petit geste. On s'en fout. Et puis, le public n'est plus pareil non plus. Pendant un moment, il cherchait la polémique après l'affaire du bus. Et maintenant, on est plutôt dans une phase où on veut les encourager, les supporter, et des polémiques inutiles, c'est pas dans l'esprit, c'est pas ce qu'on attend, quoi. Non, mais c'est les journalistes qui ont été piqués dans leur orgueil quand c'est arrivé, c'est tout. Oui, c'est vraiment ça. Je sais même pas s'il y a une question d'orgueil, ils ont sauté sur une occasion, ça aurait pu être n'importe qui, n'importe quoi, ils ont sauté sur une occasion pour écrire un article. Ils ont écrit, je crois que l'équipe en a sorti 4 ou 5 dans la journée sur le geste de Pogba, sur le fait que Bein ne voulait pas diffuser, TF1 non plus, machin, est-ce que c'était... Ça voulait dire qu'il y avait une protection, enfin bon... Ils auraient pu être n'importe quoi, ils veulent juste vendre. Mais après, je sais plus qui en parlait, mais Pogba, c'est un des rares joueurs qui veut pas donner d'interview à l'équipe, donc pour eux, en fait, c'est faire du bashing pour vendre du papier, parce qu'ils savent très bien que c'est un client qui viendra pas faire des interviews chez eux après. Oui, non, mais c'est possible qu'il y ait plein de petites choses comme ça, que ça c'est soit ça plus qui facile. Ça commence à me déranger un peu avec ce journal en général, c'est qu'ils sont en train de tomber dans une espèce de ligne pour vendre du papier plus que pour faire de l'info ou de l'analyse, qui est... Enfin bon, c'est l'équipe, quoi. Mais... Ouais, bah après on le sait, enfin c'est, je sais pas, c'est comme quand t'achètes un, je sais pas si on a le droit de donner des noms, mais on a le droit de boire, on a le droit de boire des bières, de fumer des clopes en même temps dans le podcast, on fait tout ce qu'on veut. Là. Ouais, non, que Paris Match ou que il y a quoi d'autre, Gala, voici, voilà des trucs comme ça, t'achètes ça, tu sais ce qu'il va y avoir de la merde dedans, bon bah tu vas voir un truc sur l'équipe, tu sais qu'il va y avoir de la merde dedans, c'est aussi simple que ça, quoi. Ah non, ouais. Ok, pour les polémiques, oh là, j'arrive plus à parler. on va passer au classement du groupe avant des petits pronostics. Donc premier, c'est la France avec 6 points, 2 victoires, 4 buts marqués, 1 but encaissé. La Suisse deuxième avec 4 points. La Roumanie peut toujours se qualifier, ils ont 1 point et rencontrent l'Albanie qui a 0 point, dernier du groupe. Vos pronostics sur les matchs ou sur la suite du groupe, France-Suisse, vous voyez quoi? Suisse 1-0. Non mais ça c'est la merde. En revanche, moi je vois même un match nul, un partout, un 2-2. Un match nul, un partout. Ouais, victoire de la France, 2-1 ou 3-1. Ouais, moi je suis nul au prono, mais je voyais un genre un 2-1, hein, parce que je pense que la défense va montrer un peu ses limites là, mais que ouais, quand même on va se libérer un petit peu pour assurer la place. Alors à savoir, je donne ce score là parce que depuis le début, tous les pronos que je fais, c'est l'inverse qui arrive. Hein. C'est une technique. Certains font ça avec j'avais Thomas. J'avais donné la Pologne se faisant exploser par l'Allemagne. Bon. Ah, il aurait même bah, c'était pas loin, hein. C'était pas loin. Ah, oui, oui. À 3 buts près, c'était bon. Hein. Enfin bon, il y en a eu de notre côté aussi des bons ratés. Donc bon. Ne nous flagellons pas. Et vous voyez sinon la Roumanie battre l'Albanie et avoir une chance de se qualifier ou... Franchement, dans le derby des feux rouges, j'en ai rien à foutre. C'est une bonne c'est question. Moi, je suis assez curieux de savoir qui va arriver à se sortir. Moi, j'aurais quand même un bon match nul dégueulasse parce qu'ils arriveront pas à se départager. Ouais, moi aussi. Mais les deux équipes sont trop faibles en fait. Quand tu sais qu'il jamais il y en a une des deux qui gagne, qui est susceptible de pouvoir aller en huitième, il est bien beau leur roi 24 là, mais l'Albanie en huitième ou la Roumanie en huitième, c'est pas normal. C'est dégueulasse au niveau du jeu. Ça joue pas du tout. Donc, je préfère voir même l'Irlande du Nord qui est vraiment mauvaise dans le jeu, mais qui se bat, qui donne tout pour essayer de faire ce qu'ils peuvent, que les mecs qui jouent à 10 parce qu'il faut pas qu'ils prennent de but. Bon. J'irais peut-être plus tendance à dire l'Albanie, mais je pense qu'il y aura un match nul. Ouais, je comprends pas comment tu peux différencier l'Irlande du Nord de l'Albanie ou de la Roumanie. Parce que l'Irlande du Nord, il y a Will Gibbs. Non, je sais pas, je trouve ils ont essayé de plus jouer au jeu, l'Irlande du Nord, avec leur, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu plus, plus porté vers l'avant, quoi. Eux aussi, ils sont à 10 derrière, quand même. Mais après, plus globalement, quand même, depuis le début de l'Euro, il y a très peu d'équipes qui jouent, quoi. Enfin. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais bah, c'est pas facile. Il y a clairement des équipes qui veulent jouer, du coup, qui ont la possession, mais qui tombent toujours face à une équipe. Il y a pas eu vraiment de match enlevé en fait pour l'instant jusque-là avec deux équipes. Non, il y en a eu aucun. Et j'espère que ça va un peu se s'ouvrir dans les huitièmes parce que c'est toujours la même configuration, une équipe qui attaque, oui. Une équipe qui défend en fait. Oui, oui, bien sûr, mais bon, des fois, tu arrives quand même à avoir des gens, des deux équipes qui ont envie de jouer, qui ont envie d'aller. Oui, oui. Ça peut arriver. J'aimerais bien voir ça. D'ailleurs, je me suis rendu compte que la Roumanie a marqué un but dans chaque match, mais c'était deux pénalties. Oui. Enfin, oui. Ils n'ont pas marqué autrement. Bon, moi, je les vois quand même battre l'Albanie. Mais je sous-entendrais que les Roumains sont un peu voleurs de poules. Je ne me permettrai pas, monsieur. Moi, je donne une victoire de l'Albanie 1-0. Ouais, je vais faire pareil. 1-0 Albanie. Oui, dans l'esprit, plutôt albanais que roumain. Donc. Eh bien, on va enchaîner avec le groupe B du coup, avec Russie contre Slovaquie, et ça a été une petite surprise quand même, la défaite russe contre les Slovaques 2-1. But de Weiss et Hamsik pour la Slovaquie. Kouchlakov a répondu à 80e, mais sans pouvoir égaliser derrière. Le match a été noté 6,22, la Russie 3,89 et la Slovaquie 7,5. Victoire logique pour vous ? Surprise oui et non, ça me montre juste à quel point la Russie est quand même vraiment un niveau terrible sur cet Euro, malgré leur hold-up total contre l'Angleterre. Après ils ont quand même vraiment dominé le match en termes de possession, mais la Slovaquie a juste été vraiment solide et efficace, et avec un super but d'Amzik d'ailleurs qui montre vraiment qu'il est c'est un peu le taulier de l'équipe. Je sais pas, j'ai trouvé que c'est plus la Russie qui a vraiment été mauvaise depuis le début que la Slovaquie qui a été extraordinaire. Mais je sais pas, c'est qu'encore une fois, c'est pas des gros adversaires pour les huitièmes si ça se qualifie, quoi. La Slovaquie peut être la Slovaquie. Ouais, offensivement, c'est pas, il y a des bons joueurs quand même. Il y a une paire de bons joueurs. C'est derrière ça. Même défensivement, ça peut être solide. Hein. Alors le niveau global est faible, mais c'est plutôt solide. Donc la Slovaquie, c'est un peu, moi je pense c'est l'équipe à pas tirer, quoi. Enfin c'est l'équipe à pas prendre pour les huitièmes. Je sais pas qui c'est contre qui c'est prévu selon les classements, mais ça peut être une semi-surprise. Moi la Slovaquie, j'aimerais pas les prendre quand même. Ça reste globalement une équipe moyenne, mais il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Il y a une base plutôt solide. Ça peut être dangereux. Après moi c'est surtout la déception russe qui me fait pas mal relativiser aussi les performances anglaises et galloises. L'Angleterre, ouais, bon si on passe à l'autre match, que ce soit sur ce match-là ou l'Angleterre, enfin ou contre le Pays de Galles, l'Angleterre, bon c'est, je sais plus qui en parlait très bien la dernière fois en disant que c'était une somme d'individualité très forte. C'était moi du coup. Bah voilà, tu es parfait. Mais je parle souvent très bien. Mais oui, je vois ça. Non mais par contre, bon, les Anglais à revoir en 2018, je pense que ça manque un peu de vécu ensemble. Mais alors. Ah, mais on dit ça tous les deux ans. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là c'est vraiment très jeune quand même. Mmh. Ouais. Oui, Delali pour moi, il a pas le niveau. J'aime beaucoup ce joueur, hein, mais je sais pas. À ce poste-là, c'est bien d'avoir l'audace, mais il faudrait un peu plus de solidité, un peu plus d'intelligence de jeu. Qu'il a pas encore assez pour l'instant. Ouais, c'est ce qu'on avait dit déjà la dernière fois, c'est la jeunesse, parce qu'il casse très bien les lignes, mais derrière, il fait des mauvais choix, quoi. Ouais. Mais personne n'a vraiment le niveau, enfin, moi, j'ai trouvé, Il y en a aucun qui est vraiment à son niveau, hein. La défense, ah, Vardy a été à son niveau. Il est rentré, il a pensé. Je pense que Vardy fout Kane sur le banc, du coup, là. Ça serait logique, en tout cas. Voilà, le mec, il rentre une demi, ça faisait 7 minutes qu'il était sur le terrain, et il en avait planté un, quoi. Bon, bah voilà. On parle de l'Angleterre, je vais juste donner le score. Ils ont battu le Pays de Galles 2-1. But à 92e de Sturridge pour donner la victoire. C'est Bale qui avait ouvert le score à 42e. Vardy, 56e, avait égalisé. 6-27 pour le match. Et c'est environ 2-5 pour les deux équipes. Voilà, je te laisse reprendre, Roche. C'était un match engagé. Moi, je l'attendais beaucoup. Enfin, je voulais que ça soit le grand match de ce début d'Euro. J'ai été quelque peu déçu, il y avait l'engagement britannique, mais même ça, des moments, ça se retenait un peu. Bale en première mi-temps, alors il plante, hein, mais il fait une mauvaise... Globalement, pas un très bon match, et une mauvaise première mi-temps. Il a été absent dans les duels, et j'ai trouvé ça étonnant, parce qu'en plus, il avait fait des déclarations assez fracassantes avant, sur la rivalité, etc. Bon, par contre, il marque, voilà, encore une fois... Il a deux doigts d'égaliser sur la fin aussi. C'est vrai. Il y a des joueurs qui ont déçu, hein, sur ce match chez les Anglais. Rooney, particulièrement, n'a pas été au niveau. Ouais, qui avait pourtant fait une plutôt bonne entrée sur le premier match. C'était beaucoup moins bien. Ouais. Là, au niveau de la passe, c'était catastrophique. Il a loupé tellement de trucs. Ouais, et de toute façon, l'équipe de la première mi-temps, du côté de l'Angleterre, a été mauvaise. Hein. Il y a eu encore une fois Walker qui a été excellent. Alors le problème c'est qu'il y a un vrai déséquilibre parce qu'on a normalement Sterling à gauche en offensif qui est censé justement casser les lignes machin mais qui a aucun soutien de Danny Rose qui lui est complètement absent de tout le jeu offensif. C'est un latéral vraiment, c'est même plus à l'ancienne quoi, c'est un défenseur gauche, le mec qui dépasse pas milieu de terrain. Et puis t'as Walker de l'autre côté qui lui au contraire fait des allers-retours en permanence et qui est pas assez accompagné par finalement son milieu offensif quoi. Ce qui est un peu bizarre parce que contre la Russie, ça avait plutôt bien combiné sur les côtés d'ailleurs. Ouais, Danny Rose, c'était surprenant de pas le voir monter. Hein. Ouais. Ah, il a été tout le temps derrière. J'ai pas compris. C'est surprenant. Surtout que voilà, quand t'as Sterling devant, qui est capable de, même si moi c'est un joueur que j'aime pas encore une fois, qui est capable de dribbler, d'éliminer un voire deux adversaires et derrière, eh ben tu te retrouves en position si tu l'accompagnes de soit prendre l'intérieur, soit d'être en remise pour pouvoir centrer, c'est dommage de le laisser tout seul quoi. Ah, il se livre Sterling. Oh là là. voilà. Ça fait 2 minutes que celui-là, je suis sûr en tête. Elle a mis 5 secondes à monter. Fin. Mon dieu. Alors pour les Anglais, je voulais dire un truc, c'est ils m'ont fait un peu penser à l'équipe de France. En fait, ils dominent territorialement, mais ils ont du mal un peu à faire la différence dans les 20 derniers mètres. Mais je les trouve pas aussi catastrophiques que ça. C'est juste défensivement, ils se mettent un peu en danger. Mais le scénario en fait ne les a pas aidés. Contrairement à nous, on n'a jamais été derrière le score en fait. Donc on a pu faire la différence en fin de match, mais bon, c'est plus tranquille. Eux, c'est vrai, ils ont été menés. Après, franchement, enfin, Joe Hart devrait pas prendre ce coup franc. Il doit pas le prendre le coup franc. Après, jamais il doit le prendre. Et moi, je sais pas. On a eu le débat. Je suppose qu'il y a quelque chose à un moment. Enfin, je pense que ça frappe de balle. Déjà, les ballons sont particuliers. Ça fait des années depuis qu'on a changé les. Ça fait 20 ans qu'on dit. Ça fait 20 ans qu'on dit que les ballons sont difficiles. Les gardiens le savent. Ils bossent avec. Là, c'est pas normal. Tout à fait d'accord. Et bien sûr qu'il y a une faute de main. Après, si à chaque fois Bale marque sur coup franc. À chaque fois, on a l'impression que le goal, il fait n'importe quoi. Enfin, il fait un pas de côté. Je suis pas d'accord. Moi, c'est autant son premier coup franc qu'il avait mis le match précédent. Ouais, le gardien fait juste un pas de côté et Bale juste la tente vraiment à l'audace parce qu'elle est pas super bien cadrée, mais il la met vraiment en retrait du gardien. Elle est quand même bien tirée. Là, c'est un coup franc qui est fort, qui est quand même bien cadré. Il y a pas de problème, qui est bien tiré. Mais je veux dire, elle est pas si bien cadrée que ça et Hart doit la voir, quoi, il doit la sortir. Bah, Bah, je suis plutôt à l'inverse. Moi, j'aurais trouvé que le premier était plus facile à arrêter parce que le gardien se met en difficulté absolument tout seul. La frappe est au milieu de la cage. Ouais, ouais. Oui, oui. La frappe est au milieu de la cage. C'est-à-dire que il frappe fort, oui, il y a pas de souci, mais là, il y a aucun effet, il y a pas ce côté plongeant qu'il y a eu pour Hart, par exemple. Ce côté plongeant où tu sais pas s'il va y avoir un rebond, s'il va pas y en avoir. Voilà, Hart, il est un peu planté sur ses appuis à la base. Il met du temps à partir et la balle, voilà, a un effet tellement plongeant que finalement, quand elle lui arrive dans les doigts, elle est sur le point de rebondir. Donc c'est pas non plus. Alors il y a faute de main, hein, y a pas de souci. Hein, Hart est habitué de. Mais je la trouve plus difficile à capter finalement que celle du premier match contre. Ah putain, c'était contre qui ? Contre la Russie, contre la Slovaquie. Oui, c'est ça. Plutôt. Ouais. Contre la Slovaquie, c'est que si le gardien bouge pas, il la prend plein bide et puis voilà, c'est fini quoi. Non, les deux coups francs de Bale, ça enlève pas sa qualité de tireur de coups francs, mais franchement, c'est pas extraordinaire. Hein. C'est pas des super coups francs. C'est arrêté pour moi ça normalement. Ok, on passe au classement et pronostics. Premier, c'est l'Angleterre avec 4 points. Pays de Galles second, 3 points. Slovaquie 3 points. Russie 1 point. Tout le monde peut encore se qualifier, mais les Russes sont un peu dans la merde quand même. Les matchs qui vont se jouer, c'est Slovaquie-Angleterre et Russie-Pays de Galles. Vous voyez qui se qualifie en gros et quel score si vous voulez être précis. Le Pays de Galles contre la Russie, ça va pas être facile parce que au final, dans le jeu, c'est quand même pas terrible. Ça se repose beaucoup sur Bale. Et la Russie, s'ils veulent vraiment se qualifier, il va falloir qu'ils donnent tout. Alors c'est vraiment faible la Russie depuis le début. Donc je vois quand même la Russie battre le Pays de Galles, alors un bon match nul, mais le Pays de Galles ça va pas marcher à chaque fois en fait, le coup franc magique qui rentre, ça va pas forcément être forcément magique à chaque fois. Et Slovaquie Angleterre, bah, faut que les Anglais sortent un peu d'eau du cul, donc les Slovaques je pense qu'ils vont jouer leur va-tout pour essayer d'aller en 8e, parce que même match nul je pense qu'ils iront en 8e même s'ils sont meilleurs 3e. Peut-être match nul aussi en fait. Ouais, il y a l'histoire des meilleurs 3e qui va faute. Le tout, de toute façon on en parlait déjà lors du premier podcast, c'est vrai que ça fausse un peu parce que la Slovaquie a pas besoin d'aller chercher sa qualification, elle peut simplement attendre le match nul, les Anglais pareil. Je pense que les Anglais veulent quand même essayer de finir premier du groupe. Je pense qu'ils vont quand même essayer de jouer parce que de toute façon, bien sûr, s'ils ont la possibilité, mais je pense qu'aucune des deux équipes va se jeter à l'attaque voilà. Alors que Pays de Galles Russie, on va avoir à contre-pied, je mettrais plus le Pays de Galles parce qu'ils vont être dans leur jeu parfait. C'est que eux, avec 3 points, sont déjà quasiment assurés de finir au moins meilleur 3e. Donc, ça va être à la Russie de se projeter sur eux, enfin d'attaquer, de créer les espaces, et au Pays de Galles de balancer devant et de partir en contre avec la vitesse de Bale, avec Robson Cano là qui peut faire des déviations, qui est très costaud. Donc, au contraire, moi je vois bien le Pays de Galles marquer. En contre et voilà, et du coup sceller leur qualification. Surtout que défensivement c'est solide, hein. Là ils se font voir sur les Anglais parce que Williams il est passé complètement à travers de son match quoi, mais c'est un très très bon défenseur, il va se reprendre, il fera le travail. Moi je donne 1-0 pour les Gallois et 2-0 pour les Anglais. Ok, tout le monde Angleterre Pays de Galles. Ouais, 2-0 Galles et un vieux 1-0 Anglais. Moi, je vois bien un match nul entre l'Angleterre et la Slovaquie. Vu qu'aucune des deux équipes va se lancer vraiment, on va dire match nul. Ouais, la Slovaquie, à 4 points, devrait pouvoir se qualifier. Mais bon. Ouais, moi, je pas trop... Oui, c'est... Ils passeront. On va enchaîner avec le groupe C. Les matchs Ukraine 2-0. Ils ont perdu contre l'Irlande du Nord. Et l'Allemagne a fait 0-0 contre la Pologne dans un match un petit peu décevant. Alors on va commencer par l'Ukraine, donc 2-0, but de Macaulay et de McGinn, 96e aussi pour McGinn, 5,18 pour le match, l'Ukraine a été notée 3,36 et l'Irlande du Nord 7,45, Allemagne-Pologne 0-0, 4,53 pour le match, Allemagne 4,24 et Pologne 5,7. On va commencer par l'Irlande du Nord, qu'en avez-vous pensé? C'est une victoire méritée? C'était un bon match? Bah c'était un bon match, enfin c'est l'Ukraine, qu'est-ce que c'est mauvais, enfin ça confirme les problèmes internes en fait. Ah ouais bah oui, entre les pro-russes et les pro-ukrainiens, c'est un truc de fou furieux, comme on ne les voit pas, on voit pas Konoplyanka, on ne le voit pas, c'est un truc de fou et au final bah ouais c'est mérité parce qu'il y en a qui jouent avec leur vie et d'autres même considérant du talent qui n'y vont pas, c'est Alors Irlande du Nord en huitième, ça va faire pitié. Mais je veux dire, à un moment, si c'est mérité, c'est mérité. Et l'Ukraine, c'est une déception absolue quand même. Surtout que je crois que les mecs avant l'Euro, ils disaient on joue l'écart quand même. Ouais. Ah non, mais c'est une tristesse. Ouais, l'Ukraine. Concrètement, l'effectif, il est pas mauvais. Tu regardes la gueule du 11, tu te dis, bon, c'est une bonne équipe, quand même. Il y a un truc à faire. Il y a un truc au moins pour aller en huitième, normalement. Ouais, voilà, mais il y a pas... Quand les troisièmes sont qualifiés, quoi. Ouais, non, mais il y a pas de jeu, il y a rien. Enfin, c'est une tristesse absolue. C'est sûr et certain, dans le vestiaire, c'est en train de péter dans tous les sens, quoi. C'est pas possible autrement. Mm-hmm. Ok, l'Irlande du Nord, donc, malgré Will Griggs on fire, Est-ce qu'il a joué une minute seulement, ce pauvre gars? Je crois qu'il est entré en cours de match sur le second, mais je suis pas sûr. J'ai pas vu ce match en fait. Non, il est pas rentré. On passe à l'Allemagne-Pologne du coup, 1-0-0 tout moisi. Ouais. Le Reich Bowl. Ouais, c'était fermé comme match. Hein. Ça confirme ce qu'on avait aussi dit sur les difficultés allemandes en attaque. Pas convaincu par Götze en pointe, ouais. qui d'ailleurs va se faire complètement dégager du Bayern comme un malpropre. Mais on tire pas la sonnette d'alarme pour les Allemands, mais c'est pas très rassurant face à la Pologne quand même. Non. Sonnette d'alarme à tirer. Après, ils maîtrisent. Même si devant il y a des problèmes, il y a quand même de la qualité. Je pense que face à des grosses équipes, sonnette d'alarme. De toute façon, les Allemands, si on regarde les compétitions, ils ont jamais bouffé leurs adversaires. Non. Ils ont toujours fait un deuxième match dégueulasse. C'est vrai, ouais. Il y a eu une stat tout à l'heure sur le forum. C'était un match peu bizarre, en fait. C'était vachement fermé, mais il y avait quelques petits éclats de temps en temps. Les meilleures occasions ont paru quand même un peu polonaises. Je crois qu'il y a Lewandowski qui en rate une belle. Mais c'était un fort rythme, en fait, tout du long. Moi, j'ai pas trouvé que les Allemands soient tant mille feux que ça, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans une sérénité défensive absolue. C'est vraiment juste devant que ça pêche, quoi. Enfin, ils sont capables de redevenir champions d'Europe en gagnant tous leurs matchs 1-0, j'ai l'impression. Oui. C'est ce qu'il risque de faire, d'ailleurs. Ouais, c'est ce qu'il risque de faire. Ouais. Après, oui, Lewandowski fait quand même des ratés qui sont... pour un mec de sa classe, normalement, ça doit pas arriver. Mais je trouve que les Allemands dégagent une espèce de sérénité qui est... Bah, c'est peut-être les seuls, d'ailleurs, dans l'Euro comme ça. Ils ont une défense, quand même, qui marche bien, même si les latéraux sont pas extraordinaires. Mels Boateng et même Mustafi, c'est quand même très très solide. Hein. Le milieu, ça travaille. Ouais, le milieu est excellent. Il y a moyen qu'ils gagnent comme ça, ouais. Il y a moyen qu'ils gagnent comme ça, parce que même s'ils vont au tir au but, je veux dire derrière t'as Neuer, quoi. Voilà. Hein, De toute façon, tu regardes les équipes favorites, ça va être que des 1-0 à chaque fois aussi. Hein. L'Espagne et l'Italie, ça risque pas d'être des 4-0 à foison à tous les matchs non plus. Hein. Donc au final, le vainqueur, il y a quand même énormément de chances que ce soit une équipe avec une grosse assise défensive qui gagne par des petits scores, quoi. Bah, historiquement, c'est quand même toujours plus ou moins le cas. Hein. Oui, c'est rare qu'il y ait une équipe qui jouait vraiment, qui s'en sorte. Enfin, voilà, la Grèce quand même, c'était du beau foot. Hein. J'avais oublié. Freeze, on pense à toi. Donc pour vous, pas d'inquiétude pour les Allemands, ils ont géré plus qu'autre chose. Aucune inquiétude. On passe au chrono, vous voulez rajouter quelque chose sur le match? Tant que ça roule derrière, ça roulera toujours pour les Allemands. Mais vous en pensez quoi de la Pologne par contre du coup? Parce que moi je trouve qu'ils ont quand même un joli 11, et je pense qu'ils vont quand même passer en 8ème. Est-ce que vous les voyez passer en quart ou pas être un candidat correct? Parce que c'est vrai qu'il est ouvert, quoi, avec beaucoup de participants, ils peuvent vraiment tomber en 8ème contre un adversaire faible aussi est passé et aller jusqu'en quart. Donc s'ils sont seconds, ils vont jouer le deuxième du groupe A, donc ça serait la France ou la Suisse, autre scénario improbable. Mais donc c'est jouable pour eux, je pense. Après la Pologne, enfin par exemple, offensivement, même s'ils sont pas et que ça marque pas beaucoup, Milik qui se procure énormément d'occasions, ouais. Et au bout d'un moment, un attaquant qui se procure énormément d'occasions. Il finit par mettre au fond. Donc, si ça continue comme ça, ils peuvent être très dangereux. On va passer au classement et pronostic. Alors, classement, donc, c'est Allemagne, premier, avec 4 points, goal average de plus 2, la Pologne second, 4 points aussi, mais plus 1 seulement, l'Irlande du Nord, troisième avec 3 points, et l'Ukraine, 0 points. Donc dernier match c'est Ukraine-Pologne et Irlande du Nord-Allemagne. Je pense que ça peut être deux boucheries. Oui. C'est très possible. Je pense que bah, voilà, le potentiel offensif de la Pologne, bah, j'espère qu'on va le voir contre l'Ukraine en fait et qu'ils vont voilà, qu'ils peut-être un 2 ou 3-0, je vois bien. Et l'autre c'est l'Allemagne du coup, Irlande du Nord. Ouais, je sais pas si l'Irlande du Nord va réussir à contenir les assauts allemands. Je pense qu'il y aura ouais, je vois bien 3-0 pour l'Allemagne pour le coup. Moi, je donne un partout entre les Ukrainiens et la Pologne et 2-0 pour les Allemands. Ouais, je vais suivre 3-0 moi pour les Allemands. Faut qu'ils montent là, faut qu'ils envoient un message fort quand même. Ils en ont pas envoyé depuis le début de l'Euro, donc je pense qu'ils vont le faire sur celui-là. Et par contre, ouais, Pologne-Ukraine, moi je vois bien le match nul. Hein. L'Ukraine doit faire un minimum quelque chose. Enfin, ils ont déjà été ridicules, il y a aucun souci, mais là ça passe pas. Ça serait vraiment trop d'enchaîner une troisième défaite. Si c'est vraiment tant le feu que ça en interne, j'ai du mal à les voir se remobiliser pour un match. Hein. Moi aussi, ouais, moi je les vois complètement lâcher. Puis, C'est pas qu'ils sont remobilisés, je pense, mais je me dis même dans leur orgueil, finir avec ouais, l'orgueil point, perso là, ouais, ça va même pas être une cohésion d'équipe, ça va être un orgueil personnel quoi, de se dire ouais les gars, putain, on a perdu contre l'Irlande du Nord, si on finit avec 0 points, c'est pas possible quoi. Est-ce que la Pologne n'est pas tout simplement plus fort et va les dominer même s'ils font des efforts? Moi, je les vois pas battre la Pologne. Le truc, c'est que la Pologne, comme pour le moment, c'est pas l'équipe du siècle offensivement, ça plante pas. Je me dis que sur un malentendu, les Ukrainiens sont capables de prendre le match nul. Très bien. Ouais, moi, je vois quand même la Pologne et l'Allemagne gagner. Peut-être pas débranler comme le pense Potom, mais des victoires solides, genre 2-0, quelque chose comme oui, ça. Oui, voilà, un 2-0, 3-0. Mmh. Ouais, bien tranquille, là, sans frayeur, sans en faisant tourner un peu. Les Allemands, à partir du moment où ils sont concentrés, de toute façon. Ils sont très bons. C'était pas une blague. Ah bon? Quoi? Ou de mauvais goût, alors. C'est moi qui vois le mal partout. Alors, on passe au groupe D avec la République tchèque contre la Croatie, 2-2, et l'Espagne qui a battu la Turquie 3-0. On va parler d'abord donc de République tchèque-Croatie, hein, 2-2, arraché en fin de match. Après des buts de Perisic à 37e et Rakitic à 59e, c'est Skoda qui a répondu à 76e et Nesid par un penalty à 94e. Les notes vite fait, c'est 7,8 sur le match, 5-4 pour la République tchèque, 6,44 pour la Croatie. A priori, la victoire croate aurait été logique, mais les supporters apparemment ont fait un peu déjouer leur équipe. Ouais. Mais ce qui est inquiétant aussi, c'est Modric. Absent pour le troisième match. Il y a apparemment un certain pour la suite. C'est ce qui semble plus mauvais pour les Croates quand même. Parce que c'est la plaque tournante de l'équipe. Ouais, c'est vraiment le gros danger pour la Croatie. C'est pas le troisième match où ils sont quasiment qualifiés. De toute façon, ils sont qualifiés avec 4 points quoi qu'il en soit. Après, tout dépendra du classement. Mais c'est qu'en 8e, si Modric n'est pas là, ça enlève vraiment le joueur phare de l'équipe, le joueur qui depuis le début fait les efforts et offensifs et défensifs, qui fait le lion. Là, ça risque d'être compliqué. Ouais. Si effectivement il est absent en 8e, ça peut vite tourner du coup à une défaite et une élimination. Après, ils ont un coup à jouer contre les Espagnols là pour quand même à prendre une première place, mais c'est dans le jeu c'est quand même une des équipes les plus attirantes je trouve pour le moment, la Croatie. Ouais, depuis le début ouais. Ça joue très bien, Modric, Rakitic, Perisic sur le côté, ça construit des belles actions, mais c'est vrai quoi, on met tout en suspens avec cette blessure quoi. Tu penses vraiment qu'ils ont un coup à jouer contre l'Espagne? À la base je t'aurais dit oui. Mais avec sans l'absence de Modric. Ouais, sans Modric, je suis moins convaincu. Parce que l'Espagne, c'est quand même solide défensivement, donc il va falloir quand même des joueurs qui font les occasions, qui les produisent. Et c'est là que je me dis que Modric va manquer quand même. Vous pouvez évoquer le match de l'Espagne contre la Turquie vite fait, donc victoire 3-0 tranquille. Morata qui a signé un doublé, Nolito 37e. Je sais pas si c'est l'Espagne qui s'est remis à l'endroit ou si c'est les Turcs qui sont complètement en euphrasie. Non, ils un ont peu été des deux. Ils ont été nuls comme le premier match. Hein. Ouais, mais l'Espagne a été meilleure en tout cas, beaucoup plus, enfin décisive beaucoup plus tôt. Du coup, ça a forcé les Turcs à sortir un peu et ils en ont profité. Ils ont joué à l'Espagnol et ça a été un très bon match pour les Espagnols. Ah hein. Ouais, ils se rassurent. Hein. Ah oui, qu'ils avaient joué, qu'ils avaient joué un peu plus direct, que, enfin, avec plus de balles vers la surface, qu'en passant moins par des petites passes. Il y a des moments où ils cherchaient vraiment à aller directement dans la surface, par, bon, par des petites passes au sol quand même, mais beaucoup plus rapide que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et c'est là où ils ont pas mal apporté le danger quand même. Ce qui a permis ça, c'est justement le but rapide. Tout à contrairement fait. À contre la République tchèque où ils ont été obligés de pousser jusqu'au bout, c'est le but rapide de Morata qui, ben, du coup, sous signe à doublé, donc a forcément été pas mauvais. Hein. C'est ce but-là qui arrive en plus pas du tout sur, c'est pas un but à l'espagnol forcément, c'est un coup de tête, c'est un ballon dans la surface, voilà, c'est pas une succession de petites passes, c'est, ça a permis à l'équipe derrière de prendre le jeu à son compte parce que la Turquie devait se livrer un peu plus et ils ont pu en profiter, quoi. Alors, les Turcs dans la gestion du jeu quand même, c'est avant tout offensivement avec Arda Turan, c'est problématique de toute façon, fantomatique, hein. Je pense qu'il y a eu un, il a peut-être pris un peu le melon avec le Barça. Et le changement tactique lui a fait mal. Parce que, passer de Simeone, où il faisait beaucoup d'efforts quand même, parce qu'il demande un pressing, au Barça, où c'est un peu plus relax sur le terrain, c'est, on joue les petites passes, on prend son temps. Quand, on voit que quand là, il revient en sélection, il fait plus les efforts. Il fait plus rien. Il joue à deux à l'heure, comme au Barça. Alors qu'il doit absolument se mettre dans un état d'esprit. Je suis à l'Euro, je suis leader de mon équipe, je fais le pressing, j'en fais l'attaque, je mets de l'intensité. Et il fait tout le contraire en fait. Et ça pénalise toute son équipe. Oshii, t'as vu le match Espagne-Turquie? Non, j'ai pas vu. J'ai vu aucun des deux matchs République Tchèque-Croatie, Espagne-Turquie. J'étais pas là du week-end du coup. Ok. Là, c'était pour te relancer, mais du coup, je me suis foiré. Voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est gentil. C'est tenté, on peut avancer, je crois. On va passer au pronostic. Donc, d'abord le classement. L'Espagne en tête, seule en tête avec 6 points, plus 4 en différence de but, donc peinard. Croatie deuxième avec 4 points, plus 1 en différence de but. La République tchèque s'accroche difficilement 1 point seulement, mais la Turquie dernière avec 0 point. Les matchs, c'est les deux premiers contre les deux derniers, donc, enfin, les deux premiers se rencontrent et les deux derniers se rencontrent. République tchèque, Turquie et Croatie-Espagne. Donc, comment vous voyez ces deux matchs, République tchèque, Turquie, par exemple, pour commencer par le match pourri? Est-ce que vous voyez les Tchèques se donner une chance de passer? Non. Moi, je vois les Turcs, au contraire. Moi, je pense que les Turcs vont gagner et du coup, pourront prétendre au meilleur troisième et du coup, se donner une chance de sauver un peu leur euro. Je vois la République tchèque parce que ils ont un shot pour la deuxième place aussi. Ils ont une possibilité pour la deuxième place parce qu'ils sont pas au niveau de la différence de but, ils sont très proches des Croates et ils se disent les Croates jouent l'Espagne, il y a moyen qu'ils perdent, on a une chance pour finir en deuxième. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Ouais. Est-ce que vous voyez pas une sorte de petit arrangement tacite entre l'Espagne et la Croatie, pas trop s'emmerder? Oh, la théorie du complot, il est mignon. Alors si, ils vont assurer un petit nul, je pense. Il y aura match nul entre l'Espagne et la Croatie, oui. On peut le dire, hein. Pronostiquer, allez-y. Moi, je fais du B-win, je pense qu'il y aura match nul. Je donne quand même l'Espagne gagnant, mais dans le jeu, on verra quand même deux équipes qui seront très défensives, c'est sûr. Ouais, moi, je vois le match nul. Non, je vois le match nul tranquille. Sur un malentendu, s'il y en a un qui fout la balle au fond, bah du coup ils joueront peut-être, mais sinon ils vont pas se prendre la tête à attaquer, à machin. Ils ont aucune raison de le faire, surtout la Croatie qui a déjà perdu Modric, qui veut pas prendre le risque d'en perdre un autre, donc ils vont y aller doucement. Ok, donc a priori le classement devrait rester le même pour vous, sauf Satiro qui va plus la Turquie troisième. Non, moi ouais, je vois mieux la Turquie. Mais... Très bien, on passe au groupe E du coup avec les matchs Italie-Suède et Belgique-Irlande. Alors Italie-Suède, ça a été un match assez fermé aussi. Oui. C'est 1-0, but de Eder à la 88e. La note du match très basse avec un 3,31. L'Italie, c'était une petite note aussi de 4-6. Et Suède, 3-4. Ouais, c'était un petite victoire. Quoi. Tout le monde a vu l'Italie un peu trop belle après sa victoire contre la Belgique où ils ont vraiment fait pas preuve de... Moi j'étais fou, hein. Ils ont vraiment fait preuve de solidité et de cohésion. Je les ai trouvés bien moins bons face à la Suède, comme si ils avaient arrivé pas à répéter ce qu'ils avaient fait contre la Belgique. Face par contre effectivement à un adversaire pitoyable, mais ils sont nuls à un point extraordinaire. c'est, je sais pas ce qu'ils foutent là. Et je dis, à part Olsson qui est à peu près correct, la Ekalström, je trouve que la toute l'équipe est en dessous de tout, quoi. C'est une catastrophe. Après, il manque vraiment un leader technique, et hein, il n'y en a pas. Ibrahimovic, il tient absolument pas son équipe. Et c'est pas, je veux dire, ils vont rien faire du tout, hein, dans cet Euro. Enfin, c'est déjà fini quasiment. C'est un truc de fou furieux comme c'est pas mal. Et l'Italie s'en est bien sortie au final en étant à peu près solide aussi et en arrivant à trouver la faille sur la fin. Je comprends pourquoi Conte fait confiance à Eder, parce que on le voit quand même pas trop du match à part le fait qu'il se batte comme un fou et qu'il vienne presser comme un dingue pour récupérer les ballons. Mais là, il a vraiment montré qu'il pouvait aussi être un bon finisseur. Et j'ai trouvé Pelé un peu moins bon que par rapport au match contre la Belgique. J'ai trouvé le fait de faire jouer Florenzi à gauche, c'était assez intéressant. Ça changeait un petit peu de Darmian, faisait un joueur un petit peu plus offensif. Mais ça montre que face à des équipes qui ferment le jeu et qui sont beaucoup derrière, l'Italie va avoir quand même beaucoup de mal à s'en sortir. Donc ils font partie des favoris parce qu'ils sont solides et qu'ils ont une équipe d'expérience et qui est solide. Mais va falloir... Je sais pas, va peut-être falloir se bouger un peu plus encore les miches s'ils veulent vraiment aller loin dans cet Euro. Florenzi à gauche, je suis pas convaincu par contre. Il a fait 2-3 bons trucs après, ouais. Parce qu'il me semble qu'à gauche, il se trouve sur son mauvais pied et de mémoire, on l'a vu souvent, techniquement, il a pêché parce que justement, il se retrouvait sur son mauvais pied en fait. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont pas de gaucher. Parce que qu'ils fassent jouer Florenzi ou qu'ils fassent jouer Darmian ou qu'ils fassent jouer Desilio, qu'ils peuvent tous jouer à gauche, ils sont droitiers quoi, donc. C'est compliqué, je pense, pour le côté gauche. Tu mets un petit Desailly là à gauche. Mmh. Ça, bien, hein. Ça change tout là tout de suite. Ah oui, ça change tout. Oui. Tu me gagnes déjà ça bien, augmente, mais là. Ça change. Ça augmente la note du match déjà. Ça fait un petit 10. Ouais, voilà, un petit 10 normal pour l'Italie. Voilà pour le match. Quelqu'un d'autre a un truc à rajouter? Non, c'était chiant. C'était très très chiant. La Suède est. Elle, finalement, la pire équipe, c'était sûrement pas celle qu'on pensait qui serait la pire équipe. Pour l'instant, en tout cas, c'est largement la pire équipe de cet Euro. Non, mais ce qui rend fou, c'est qu'ils touchent le ballon, ils font des passes, ils ont fait quasiment 500 passes sur le match. Et vers où, comment, à quoi servaient les passes, quoi? C'est pas possible. Je sais pas, je pense qu'il y en a 250 entre le gardien et le défenseur central. Ils ont pas cadré une frappe de l'Euro en deux matchs. Le King... Le King, la légende, là, a bombé le torse tout le temps, à faire le malin. Ouais, je crois franchement, à ce stade, à son âge, il en a vraiment plus rien à péter. Hein. Il en loupe des belles quand même. Hein. Il fait plus de mal à son équipe qu'il fait de bien. Après, la seule qui loupe vraiment d'occasion, il est hors jeu, mais. Ouais. Pour moi, le mec a tellement porté. Il a tellement porté sa sélection pendant 10 ans, il se retourne, il voit la gueule de son équipe. Je crois qu'il en a vraiment plus rien à faire. C'est possible, c'est très possible. Ouais. Porter sa sélection. Bah, ils ont jamais rien fait quand même. Oui, voilà, il a jamais porté sa sélection. Ouais, non, alors là, je suis d'accord. Il faut arrêter de. Je veux bien que ce soit Zlatan qu'on en fasse des caisses, mais bon, quand même, porter sa sélection, ils ont jamais rien branlé la Suède. Franchement, ouais, oui, enfin, tu vois. Dis ça pour Ronaldo à une époque, et pourtant. Tu peux dire ça pour Bale maintenant, quoi. Mais, voilà, la limite, mais. Enfin, tu vois la tronche de la Suède, quand même. C'est quand même difficile de faire quelque chose avec n'importe quel joueur. Finalement, pris individuellement, il y a eu des joueurs d'expérience, il y a eu des bons jeunes, pas des bons jeunes qui maintenant sont moins jeunes. Ça a pas toujours été dégueulasse non plus la Suède, ça a jamais été flamboyant. Mais tu compares maintenant, c'est un peu la même chose que l'Irlande du Nord, quoi. C'est très très faible. Enfin, maintenant, c'est très très faible, sauf que l'Irlande du Nord, il y a aucune star et finalement, ils s'en sortent mieux avec du cœur, quoi. Ouais, je sais pas moi quand même là. L'époque où il y avait quand même des Lundberg et des Narsson était quand même un peu plus sexy. Même Kallström à une époque. Elmander les gars quoi. Non mais Kallström je le trouve bon. Il y a bon, Nilsson les gars. Nilsson. Oh putain. Rappelez-vous de Nilsson les gars. Non je le trouve solide en 8 Kallström. Il a pris de l'épaisseur, il est costaud et je trouve c'est genre un joueur que j'ai bien aimé. Et, je trouve vraiment solide à ce poste-là, c'est intéressant. Vous êtes le seul. On passe à Belgique-Irlande avec 3-0, c'est un match tendu, c'est un peu le match de la mort. Là. Les Belges avaient besoin de points, l'Irlande avait besoin aussi de se rassurer. Victoire 3-0 des Belges, après un début de match difficile, Lukaku a signé un doublé, 48-70e, et Witsel a marqué la 61e. Un match noté 5,77, la Belgique au-dessus des 6, et l'Irlande par contre seulement 3,4. Voilà, hype peut reprendre. J'ai pas vu le match, moi je peux rien dire. Non, c'est une victoire. C'est petite hype alors, c'est encore, on sent que c'est encore un peu poussif, mais c'est mieux. Ouais, mais c'est une victoire qui cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que franchement c'était pas exceptionnel non plus. Ouais, l'Irlande était très faible quoi. Plus faible que ce qu'on pouvait penser. Enfin, en tout cas, moi je m'attendais à deux et de la Suède un peu plus quoi, mais là, ouais, c'est y a rien quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est une victoire qui va faire du bien à la Belgique, parce que on sent que, comme d'autres équipes, il y avait beaucoup de nervosité, de tension, beaucoup de pression, ils avaient sûrement peur de pas être à la hauteur. Et bon, le 3-0 est bien payé, quand même s'ils ont dominé le match, mais ça soulage, quoi. Et je pense que ça va les lancer un peu mieux dans cette Euro. Ouais, alors moi j'ai pas vu le match non plus, donc je peux rien dire sur le match. Après que ça les lance, je suis pas sûr non plus. J'ai vu les buts, les extraits, finalement ça a pas été non plus tant flamboyant que ça. J'ai eu l'impression il y a 3-0, mais c'était pas le 3-0 de l'Espagne face à la Turquie où il y avait de la maîtrise, etc. Ça aurait pu être 1-0 ou 2, ça aurait pas changé grand chose, donc je sais pas si ça va vraiment les lancer. Ça, voilà, l'avenir nous le dira. Va falloir qu'ils assurent déjà lors du troisième match face à la Suède, donc ça devrait le faire, mais faut qu'ils continuent dans la même lancée, quoi, qu'ils remettent un carton. Parce que s'ils se font accrocher par la Suède, vu le niveau de jeu affiché par la Suède, les doutes peuvent très vite revenir, quoi. Bah, surtout que la Suède, même s'ils sont vraiment mauvais, peuvent se qualifier. S'ils battent la Belgique, ils sont qualifiés, quoi. Là, j'y crois absolument pas. Autant la Turquie, moi, je pense qu'ils vont le faire, qu'ils ont raté leur truc depuis le début. Non, je pense pas qu'ils vont le faire, mais faut se dire que c'est possible. Parce que sur un match, c'est possible. Plus, que sur un match, voilà, tout peut arriver, comme ils disent. Tout peut arriver, ouais, c'est sûr, ouais. En tout cas, j'espère pas, là. La Belgique, j'ai l'impression qu'il y a des lacunes défensives, ils sont un peu nerveux, ils sont pas en confiance. Et offensivement, c'était assez inoffensif, mais ils ont quand même réussi à se libérer. Je pense quand même qu'ils vont trouver leur rythme un peu dans cet Euro, et alors ils seront peut-être pas au niveau que la hype le permettait d'y croire, mais je pense qu'ils vont faire au moins un bon quart tranquille. Bah, ça sera le minimum après. Bah, la chance des Belges, c'est d'après de tomber sur le premier du groupe dont on parlera en suivant, mais ce sera quand même, ce sera tout sauf un foudre de guerre, quoi. On se risque au prono, du coup. Alors, le classement d'abord avec l'Italie seule en tête avec 6 points. La Belgique passe second avec 3 points. La Suède et l'Irlande, un seul point. C'est Italie-Irlande et Suède-Belgique. Moi, je pense que l'Italie va battre l'Irlande tranquillement, sans tourner un peu, on va dire 1-0. Et je pense que la Suède va... Allez, je dis que la Suède va battre la Belgique 1-0 aussi. Tu poses tes couilles sur la table. Ouais, je sens que... Clairement, là, ouais. On va rester sur les favoris, la Belgique qui gagne 2-0 et l'Italie un petit 1-0 à l'italienne. Ouais, pareil. 2-0, 1-0. Moi, je vois des victoires plus tranquilles, ils vont être plus libérés que ça, et 2-0 dans chaque à peu près. Je pense que la Suède marquera un but. Parce que ça va être Balazs-Zlatan. S'il cadre une frappe, ça peut rentrer, voilà, effectivement. C'est ce que j'allais dire. À mon avis, enfin, attendez-vous à un truc, ça va être Balazs-Zlatan à tout va, parce que c'est peut-être son dernier match en sélection. Ils vont tout faire pour qu'il marque. Oh, il est présélectionné pour JO quand même. Ouais, JO. Ils sont qualifiés Ah bah oui, les Suédois, ils s'étaient qualifiés contre les Français en plus. Oui. Oui, c'est bien. Oui, c'est ça, ouais. Le fameux truc de Zawa, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Bon, en gros, à part le petit doute Belgique-Suède, bon, l'Italie seule en tête, mais du coup, la Suède passerait devant la Belgique, hein, s'il est battu. Oui. Donc, vous voyez, Belgique, ric-rac, meilleur troisième. Non, Belgique, ils vont gagner. On va voir. Les Belges aussi. S'ils passent pas les Belges, quand même, ou même s'ils sont troisième, ça aura vraiment été une des plus grosses hypes du monde pour pas grand-chose. Hein. Ouais, là, moi, c'est pour ça que je les vois pas perdre. À la limite, se faire accrocher, maximum un nul. Mais s'ils perdent, là, ça serait vraiment la catastrophe. Parce que même si, effectivement, ils finissent meilleur troisième, ça va être la catastrophe. Mais vraiment, on nous les présentait comme les favoris. Ça serait pas plus mal, parce que Wilmot, il sautera, et je pense que ça leur ferait quand même du bien aux Belges. Oui. Vu comment c'est tendu, et vu comment c'est mauvais tactiquement. Peut-être, mais bon. Un petit électrochoc, ce serait pas plus mal non plus. De toute façon, moi, je pense qu'il sautera, quoi qu'il en soit. Ouais. Je sais ce que j'allais dire, justement. Est-ce que vous le voyez pas sauter, parce que bon, on sait, si a priori, il y a des grosses tensions, c'est que ça va se terminer, S'il va pas en demi, je pense demi minimum, il saute, quoi. Faut voir le parcours, mais après, s'il passe en huitième, qu'il est genre deuxième, parce qu'ils ont battu la Suède, qui peut faire un parcours intéressant, alors même sans produire du jeu, tant qu'il fait le parcours, il est tant qu'il fait le parcours, il peut rester, mais demi quoi, s'il va pas en demi, il saute, c'est sûr. Enfin, c'est quasiment écrit et ça serait normal. Ça dépend qui joue en quart, bon, enfin, ça dépend, je connais pas le tableau, faut voir qui joue après. Ça pourrait être un truc comme l'Espagne. Parce que tu vois, si en quart ils perdent contre l'Allemagne, l'Espagne, une grosse équipe, je me dirais bon. Ça serait l'Espagne, si je dis pas de conneries. Tu vois, s'ils perdent contre l'Espagne, ils sauteraient. Je suis pas sûr qu'ils sauteraient pour autant, parce que ça reste les Espagnols. Faut voir la tranche du match. Ouais, je sais pas. De toute façon, tout ça, on en parlera dans. Oui, on en parlera après. Ouais. Quand on aura un tableau plus clair, puisque là, avec les meilleurs troisièmes, c'est compliqué. Ouais. On est d'accord pour dire quand même que ce truc des meilleurs troisièmes, c'est une des pires inventions qu'ils aient fait. Oh, c'est scandaleux. Bah, ça permet le manque de jeu, quoi. Puis même sur les, j'ai l'impression qu'on va avoir une dernière journée là où il peut y avoir des arrangements entre amis à tout va où ça va pas jouer parce que les mecs sont quasiment sûrs d'être qualifiés tous. Enfin, pff, ouais, je pense que ça partait vraiment d'une bonne intention, c'est-à-dire de se dire que pour éviter d'avoir des troisièmes journées trop fermées, de pouvoir avoir du jeu un peu tout le temps. Mais au final, c'est un peu le contraire qui va se passer. Ah, c'est exactement le contraire. C'est un peu le foutoir. Il y a une équipe qui va faire un nul ou voire deux nuls et qui va se retrouver troisième correctement. Enfin, il y a vraiment des équipes dégueulasses qui vont pouvoir se retrouver en huitième. Et je trouve que ça, je sais pas. Il suffit d'une victoire en fait. Il suffit d'une victoire. Enfin, tu parlais de la Suède tout à l'heure. Il suffit d'une victoire. Quasiment une victoire. Tu peux prétendre à leur huitième quoi. Bah, t'es quasiment sûr. Même quand tu vois la gueule de pas mal de groupes. On parlait d'Irlande du Nord en gagnant. C'est assuré. Alors tant mieux. Sachant qu'on parle de 4 troisièmes sur 6 quoi. Donc carrément autant. Enfin, je sais pas. Autant faire sauter les groupes en fait directement et faire un grand tableau et terminer parce que. Ouais, non, là c'est trop plus intelligent, trop quoi. On passe au groupe F, le groupe qui enflamme les foules, avec deux matchs, donc c'est l'Islande contre la Hongrie, un partout, un match qui a été plus intéressant dans la tribune, visiblement, et Portugal-Autriche 0-0. Alors, je n'en ai vu aucun, voilà, nominé. Très bien. J'ai vu les deux. On va saluer aussi le prochain. Je le regrette. Alors pour l'Islande, c'est Sigurdsson qui avait marqué sur penalty à la 40e et égalisation contre son camp de Savarsson, donc en toute fin de match. Le match a été bien noté quand même, hein, 7 sur 10, l'Islande 6-4 et la Hongrie 6-9. Bah, qui l'a vu déjà, comme ça, ça va être plus simple. Oui, malheureusement. J'ai vu qu'une partie. Alors Pota, je te laisse la parole. Je sais pas quoi en dire. C'est... Comment tu peux donner 7 de moyenne à un match pareil, sans déconner? Mais il y a des notes, enfin... Ouais. Mais je vais être honnête, hein. J'ai fait balancer les notes, parce que quand je suis arrivé, il y avait 10, 0, et j'ai contrebalancé l'Islande et la Hongrie avec un 0 et un 10. Ça, j'ai senti Dukes qui est arrivé avec son 10 et son 0, quand même. Oh, le délateur. Toute objectivité. Oh, le vilain délateur. Non, mais, c'était un match entre deux équipes qui voulaient défendre. Donc, forcément, pas terrible. Objectivement. Par contre, voilà, un peu surpris, enfin même très surpris de la Hongrie au final, qui est pour l'instant première de ce groupe-là. J'en connaissais aucun mec avant d'aller les voir à Bordeaux là. C'est plutôt pas mal quand ça se décide à jouer avec leur vieux papy de 40 ans derrière qui fait des relances sympathiques. Après, je trouve que l'Islande, il y a aussi beaucoup de hype pour pas grand-chose quoi. Non mais c'est hypé à mort. Hein. Je sais pas si ça mérite forcément plus que ça, bon parce qu'il y a quand même des joueurs intéressants. Le joueur qui est de première ligue, c'est Gunnarsson, je crois. Sigurdsson. Il est beau. Enfin, tu vois qu'il a du ballon, ce mec-là. Mais concrètement, Sigurdsson, Gunnarsson, les deux, c'est bon. Il y en a un qui est descendu avec Cardiff, l'autre il est toujours à Swansea. Mais c'est un beau milieu de terrain normalement. Il y a de la qualité technique pour les deux joueurs. Après, c'est autour que c'est faible, quoi. Mais la Hongrie, c'est un peu pareil. Ils ont deux jeunes, là. Je crois qu'il y a leur milieu def et leur meneur de jeu qui sont très jeunes, qui sont plutôt pas mal. Il y en a un qui va au Werder l'année prochaine. Mais c'est autour que c'est faible, quoi. C'est le nouveau format de compétition qui veut qu'on ait des équipes qui sont quand même super faibles. Après, l'information de ce groupe-là, pour moi, c'est le Portugal qui déçoit toujours, quoi. Ah, le Portugal est ridicule, hein. C'est impressionnant, hein. Moi, je pensais qu'ils allaient se réveiller là contre l'Autriche, mais du fait de l'Autriche qui a été qui serait mauvaise, bon, bah encore une fois, l'Autriche a été mauvaise, mais le Portugal a été pire. Donc bon, enfin pire, j'abuse un peu, mais oui, vu leur standing, vu les joueurs qui composent l'équipe, oui, ils ont été pires. C'est juste pas possible qu'une équipe comme le Portugal se retrouve dans un groupe comme ça, en plus d'une faiblesse absolue sur le papier, en tout cas, se retrouve jouer sa tête lors du dernier match, quoi. Parce que si la Hongrie les accroche, le Portugal à 3 points, c'est meilleur troisième avec de la chance, quoi. Enfin, c'est grave quand même. Moi, ça, tu vois, t'as pensé quoi du match de Ronaldo? Oh, il a été mauvais, faut le dire. Enfin, c'est pas. Ah bah oui, faut le dire. Il a été mauvais. Je pense qu'il. Il est nul. C'est évident qu'il paye sa saison. Parce que les 60 matchs avec tous les problèmes musculaires qu'il a connus à la fin de l'année, vraiment, ça lui, je pense, ça lui pèse dans les jambes. Et comme tout le monde attend de lui que ce soit celui qui mène le Portugal vers la victoire, quand tu le vois le sauveur, le Messi, le Christ ressuscité. Ouais, le Messi, ça fait moyen, mais ouais, c'est un mot banni, ça. Quand tu vois ce qu'il rate, ses tirs, il s'obstine à tirer loin en sélection. Enfin, là, avec le Portugal, il est très individualiste, c'est affolant. Ouais, non, mais enfin, c'est la star la plus à chier depuis le début de cet Euro. C'est bien. Oh, il y a Ibrahimovic aussi là-dedans. Ouais, il y a compétition, les gars. Quand ah, même. Ils s'en foutent, c'est différent. Décernez pas des awards comme ça. Attendez, on aura le temps de les dire, les mauvais, hein. Parce qu'il y en a eu des belles déceptions, hein. Sinon, pas grand chose à dire sur le match, Après, le Portugal, ce qui est dérangeant, c'est que c'est toujours la même histoire. C'est, il n'y a pas de neuf, donc c'est le bordel. Donc, à la limite, même si Eder, il est nul, ce sera toujours un point de fixation plus intéressant. Parce que Ronaldo ou Nani en pointe, n'importe lequel, c'est pas possible. Ouais, puis ouais, mais s'obstiner, ouais, à la limite, il est pas si nul que ça. Enfin, ça, je te dis pas que c'est du niveau oui, il est limité, global du Portugal. Il est limité, mais justement, pour peser, pour faire le point de fixation et voir pour pousser la balle, pour avoir un peu les points. Le problème du Portugal, c'est surtout une équipe de has-been, quoi. Il y a Nani, Quaresma, Carvalho, Pepe qui sont encore là. C'est des mecs qui jouent au même niveau depuis 5-6 ans. Ils sont tous allés se perdre plus ou moins sur Pepe dans des clubs de merde, aller au Beşiktaş en Turquie, je sais pas où, à se perdre, à faire n'importe quoi. Enfin, c'est juste, ils sont mauvais, quoi. On fait encore une hype, comme des pas permis, parce qu'il y a plein de Portugais chez nous. Mais concrètement, ça veut rien dire et ça donne rien. Il y a Ronaldo qui est très bien, qui fait ses gris-gris, mais sinon, ça vaut que dalle, quoi. C'est une équipe de tocard. C'est une équipe de tocard. C'est une équipe de tocard. C'est une équipe de tocard. Les carleurs et tout, mais c'est une équipe de tocard. Je suis désolé. Le milieu de terrain n'est pas mauvais du tout, quand même. Enfin, faut pas. Le trio Gomes, Moutinho, Dani Lopez. Ah, Moutinho, il est dégueulasse. Ouais, mais Moutinho, je trouve qu'il est mal utilisé pour le moment, mais en tout cas, sur le papier, c'est pas une mauvaise équipe, et le milieu de terrain n'est pas mauvais. Même les défenseurs. Ça fait huit ans qu'on dit c'est toujours le même problème. Mais si c'est toujours le même problème, à un moment, c'est peut-être eux le problème, quoi. Ah, je sais pas, mais ils font rien là. Ils ont peut-être un des groupes les plus faciles avec le nôtre. Putain, à un moment, il faut qu'ils connaissent quoi. Ils ont calé 7-0 à l'Estonie en préparation. Ils ont tous gonflé les pecs et montré les burnes. Mais là, au final, ils sont tous en train de se chier dessus. C'est qu'ils sont pas bons, c'est tout. Ils se créent les occasions. C'est la finition qui est un problème. Ah, ben ça, non, mais tout. Les Portugais en finition, c'est pas très bon. Mais même la défense, enfin, faut pas la bâcher non plus. Ok, il cumule mais 80 défense, ans. À... Non, mais ok, défense, il cumule 80 bien. Ans, mais elle est bien, elle fait le boulot. VP Carvalho, ils font le boulot. Ouais, après, ça fait le boulot en mettant des grands coups d'épaule, des taquets, des machins. Ça fait le boulot contre les chèvres. Ça, c'est le Portugal. Enfin, ça, c'est la défense. Après, franchement, ouais, moi, je suis d'accord. On verra quand ils auront à tenir un mec un peu remuant et un mec qui aura du ballon, quoi. Je demande à voir. Oh, ils ont tenu bonne défense, non. Enfin, je veux dire, ils ont tenu pour l'instant Islande, Autriche. Tenu Arnautovic, quoi. Faut se calmer. Ah ouais, Islande, Autriche, c'est pas possible, quoi. Alors ouais, ils prennent pas. Enfin, en plus, ils en prennent un face à l'Islande, si je dis pas de conneries. Ouais. Oui, ils en prennent un face à l'Islande sur une erreur, un mauvais placement. Bon. À la limite, c'est pardonnable, machin. Là, ils en prennent pas. C'est loin d'être un exploit, quoi. Mais je pense qu'on en attend peut-être un peu trop aussi de cette équipe. Ah non, mais justement, au contraire, j'en attendais rien. Moi, pour moi, de toute façon, cette équipe, c'est Ronaldo. Ronaldo résume cette équipe à lui tout seul dans cet Euro et depuis énormément de temps. en sélection, il s'arrache pas. T'as l'impression que du fait qu'il joue au Real Madrid, que c'est Monsieur Ronaldo, machin, tout va lui tomber tout cuit dans la bouche et il tombe face à des mecs qui ont les crocs, qui ont vraiment envie d'être là. Les Islandais, ouais, ils sont limités, mais ils ont envie d'être là et mine de rien, bah, ils auraient plus de mérite finalement, beaucoup plus de mérite. On passe au pronostic avec d'abord le classement. Donc la Hongrie seule en tête avec 4 points, l'Islande et Portugal ont 2 points chacun. Et l'Autriche dernière à 4 points, mais du coup c'est ouvert puisque ça joue en 3 points. C'est l'Islande qui va rencontrer l'Autriche et la Hongrie et Portugal pour une sorte de finale du groupe, entre guillemets. Donc vous voyez comment ça va se défaire. L'Autriche, juste un petit mot, c'est n'importe quoi. Sur le terrain, c'est n'importe quoi. À la bas, il est au milieu, il est perdu, le pauvre, il essaie de faire tout et n'importe quoi pour son équipe. Enfin, c'est laid, quoi. C'est très très laid. Mais c'est un peu comme tous les équipes qui ont une grande star comme ça, et ils font tout reposer sur le mec alors qu'il faudrait s'appuyer sur un collectif plutôt, et lui pour bonifier, mais en fait non, il veut trop en faire, et du coup ça donne rien, quoi, c'est moche. Ouais. Ouais, ça va être difficile à pronostiquer, ça. Bon, Islande-Autriche, je pense qu'il va y avoir un match nul, je dis un partout, de toute façon ça va être... J'en vois pas une équipe meilleure que l'autre pour arriver vraiment à prendre le dessus. Et Hongrie-Portugal, il serait tête quand le Portugal s'y mette. Tant si le Portugal va aller en 8e, il va falloir qu'il mette des buts. Mais la Hongrie, la Hongrie c'est pas mal, mais la Hongrie, je sais pas, ça, je trouve ça quand même pas... C'est solide, c'est y a de la cohésion, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ils ont été poussés non plus, ils n'ont pas... Et là c'est le test pour le Portugal aussi, donc moi je pense que le Portugal va gagner 2-0. Moi j'aimerais bien, alors Islande-Autriche, quelque part je m'en fous un peu, pour le voilà match nul, pour que les Islandais passent parce qu'ils le méritent, c'est l'une des plus faibles équipes du tournoi, et qui passe ça serait très bien, ils seront jartés en 8e et puis voilà. Par contre Hongrie-Portugal, j'attends vraiment beaucoup des Hongrois, j'espère qu'ils vont gagner. J'espère que les Hongrois vont éliminer Portugal, quoi. Ils vont jouer le match nul, les Hongrois. Hein. Ils ont 4 points, ils vont bétonner. Hein. Mais de toute façon, ils sont en 8e quasiment, là, de toute façon. C'est bon, donc. Ils sont, c'est officiellement qualifié, c'est bon? Je ne joue pas. 4 points, ouais. Donc voilà. 4 points, ils sont dans les meilleurs 3e. Je pense qu'ils s'en foutent complètement et que le Portugal va gagner. Moi, je vois bien l'Autriche passer et l'Islande qui va finir dernière puisque le Portugal va passer devant. Avec une victoire. Ok, moi, je vois un match assez ennuyeux entre l'Islande et l'Autriche, mais je vois aussi le Portugal passer. Comme souvent, ça va passer à l'arrache. Oui, faut pas, c'est clair. Et après, ils seront sortir rapidement. Parcours honorable, mais... On verra. Et en bon déménagement à Rorschach, hein, parce que ça bouge hein, chez toi. Et voilà du coup pour cette deuxième journée. Alors bon, c'est un peu le bordel, on peut pas trop se projeter vu que il y a les meilleurs troisièmes, c'est des fois par ordre de groupe et tout, c'est un peu le bordel. Alors du coup, on fera des meilleurs pronostics pour la suite dans le prochain. Bah en tout cas, merci à vous et merci à Ferdi surtout pour l'organisation de ce podcast. il a bien organisé, il était obligé, hein. Celle-là. Il a été très présent en tout cas. On l'a bien joué, il a fait exprès. Mais je suis sûr qu'il a trollé, qu'il a fait exprès, c'est obligatoire. Je pense que là on va être en tête des charts. Hein. Voilà. Bah merci à vous en tout cas d'être venu. Certains à la dernière minute, mais ça dépanne. Bah oui. Et on se donne rendez-vous. Alors ça va être quand pour la troisième journée? Ça va être jeudi. On aura jeudi, le temps. De toute façon, il y a 3 jours de battement entre la. Ouais fin ouais, de ça finit mercredi en fait les matchs. On va se faire chier pendant 2 jours, on sera plus quoi regarder à la télé, mais. Ouais, peut-être le vendredi plutôt, parce qu'après ça reprend le samedi, ça fait pas trop. Hein, ouais, je pense que c'est une bonne idée. On va revivre, on va sortir, on va voir des gens et tout, ça va faire bien. Ouais, ça fait longtemps. Et du coup, en fait, on se donne rendez-vous avant samedi pour la troisième journée, puis des pronostics plus avancés sur les 8e de finale. Merci à vous, j'espère que le podcast vous a plu, en tout cas à l'écoute. Et voilà, au revoir. Salut. Allez, bye. Salut. Bye. Qui veut débuter la parole? Débuter la parole. Oui. Comme ça qu'on parle par chez ouais. Moi. Ouais, bah, je vais commencer. Alors, Italie-Suède, ça a été un match assez fermé aussi. Oui. Alors, Désolé, j'ai lancé les mauvais trucs, je couperai ça au montage. Alors, Italie-Suède. Donc... Puis qu'il y en avait plein. Désolé, désolé pour le Portugal, mais je suis parti un peu en sucette. Bah non, mais il faut de la passion, il faut s'enflammer. C'est... On sentait le bashing, t'inquiète pas. Oh, c'est un bébé. Bon, moi du coup, les gars, je vais vous laisser. Ah ouais, t'as pareil. Ton gamin à surveiller. Et moi, je suis explosé. Bonne décuite. Ouais, Thomas, sûr, ouais. Ça s'est pas entendu, tu étais parfait, mon petit bichou. Tant pis.